Un soir qu'il pleuvait, Mina resta à la maison. Alfred ne fit que paraître à la redoute. Lorsqu'il rentra chez lui, la présence de Mina dans le salon parut le surprendre. Cette petite fausseté dont Mina s'aperçut lui ôta tout le bonheur qu'elle se promettait de cette soirée. Ce fut peut-être à cette disposition qu'elle dut la véritable indignation avec laquelle elle repoussa les entreprises d'Alfred. Elle sortira dans sa chambre. « Je me suis trompée, » se dit-elle en pleurant. « Tous ces Français sont les mêmes. » Pendant toute la nuit, elle fut sur le point de retourner à Paris. Le lendemain, l'air de mépris avec lequel elle regardait Alfred n'était point joué. Alfred fut piqué. Il ne fit plus aucune attention à Mina et passa toutes ses soirées à la redoute. Sans s'en douter, il suivait le meilleur moyen. Cette froideur fit oublier le projet de retour à Paris. « Je ne cours aucun danger auprès de cet homme, » se dit Mina, et 8 jours ne s'étaient pas écoulés qu'elle sentit qu'elle lui pardonnait ce petit retour au caractère français. Alfred sentait, de son côté, à l'ennui que lui donnaient les grandes dames de la redoute, qu'il était plus amoureux qu'il ne l'avait cru. Cependant, il tenait bon. À la vérité, ses yeux s'arrêtaient avec plaisir sur Mina. Il lui parlait, mais ne rentrait point chez lui le soir. Mina fut malheureuse. Presque sans s'en douter, elle cessa de faire avec autant de soin tous les jours la toilette destinée à l'enlaidir. « Et Saint-Songe ?» se disait Alfred. « Anniken devient une des plus belles personnes que j'ai jamais vues. » Un soir qu'il était revenu chez lui par hasard, il fut entraîné par son amour et demanda pardon à Anniken de l'avoir traité avec légèreté. « Je voyais, lui dit-il, que vous m'inspiriez un intérêt que je n'ai jamais prouvé pour personne. J'ai eu peur, j'ai voulu me guérir ou me brouiller avec vous, et depuis, je suis le plus malheureux des hommes. » « Ah, que vous me faites du bien, Alfred !» s'écria Mina au comble du bonheur. Ils passèrent cette soirée et les suivantes à s'avouer qu'ils s'aimaient à la folie et à se promettre d'être toujours sages. Le caractère sage d'Alfred n'était guère susceptible d'illusion. Il savait que les amoureux découvrent de singulières perfections chez la personne qu'ils aiment. Les trésors d'esprit et de délicatesse qu'il découvrait chez Mina lui persuadaient qu'il était réellement amoureux. Est-il possible que ce soit une simple illusion? Se disait-il chaque jour, et il comparait ce que Mina lui avait dit la veille à ce que lui disaient les femmes de la société qu'il trouvait à la redoute. De son côté, Mina sentait qu'elle avait été sur le point de perdre Alfred. Que serait-elle devenue s'il eût continué de passer ses soirées à la redoute? Loin de chercher à jouer encore le rôle d'une jeune fille du commun, de sa vie elle n'avait tant songé à plaire. Faut-il avouer à Alfred qui je suis? Se disait Mina. Son esprit éminemment sage blâmera une folie même faite pour lui. D'ailleurs, continuait Mina, il faut que mon sort se décide ici. Si je lui nomme Mademoiselle de Bangel, dont la terre est à quelques lieues de la sienne, il aura la certitude de me retrouver à Paris. Il faut, au contraire, que la perspective de ne me revoir jamais le décide aux démarches étranges qui sont, hélas, nécessaires pour notre bonheur. Comment cet homme si sage se décidera-t-il à changer de religion, à se séparer de sa femme par le divorce et à venir vivre comme mon mari dans mes belles terres de la Prusse orientale? Ce grand mot illégitime ne venait pas se placer comme une barrière insurmontable devant les nouveaux projets de Mina. Elle croyait ne pas s'écarter de la vertu parce qu'elle n'eût pas hésité à sacrifier 1000 fois sa vie pour être utile à Alfred. Peu à peu, Madame de Larçay devint décidément jalouse d'Anniken. Le singulier changement de la figure de cette fille ne lui avait point échappé. Elle l'attribuait à une extrême coquetterie. Madame de Larçay eut pu obtenir son renvoi de haute lutte. Ses amis lui représentèrent qu'il ne fallait pas donner de l'importance à une fantaisie. Il fallait éviter que M. de Larçay fît venir Anniken à Paris. « Soyez prudente, lui dit-on, et votre inquiétude finira avec la saison des eaux. » Madame de Larçay fit observer Madame Cramer et essaya de faire croire à son mari qu'Anniken n'était qu'une aventurière qui poursuivit à Vienne ou à Berlin pour quelque tour répréhensible aux yeux de la justice, était venu se cacher aux eaux d'Aix et y attendait probablement l'arrivée de quelque chevalier d'industrie, son associé. Cette idée présentée comme une conjecture fort probable, mais peu importante à éclaircir, jeta du trouble dans l'âme si ferme d'Alfred. Il était évident pour lui qu'Anniken n'était pas une femme de chambre. Mais quel grave intérêt avait pu la porter au rôle pénible qu'elle jouait? Ce ne pouvait être que la peur. Mina devina facilement la cause du trouble qu'elle voyait dans le regard d'Alfred. Un soir, elle eut l'imprudence de l'interroger. Il avoua, Mina fut interdite. Alfred était si près de la vérité qu'elle eut d'abord beaucoup de peine à se défendre. La fausse Madame Cramer, infidèle à son rôle, avait laissé deviner que l'intérêt d'argent avait peu d'importance à ses yeux. Dans son désespoir de l'effet qu'elle voyait les propos de Madame Cramer produire sur l'âme d'Alfred, elle fut sur le point de lui dire qui elle était. Apparemment, l'homme qui aimait Anniken jusqu'à la folie aimerait aussi Mademoiselle de Varnhel. Mais Alfred serait sûr de la revoir à Paris. Elle ne pourrait obtenir les sacrifices nécessaires à son amour. Ce fut dans ces inquiétudes mortelles que Mina passa la journée. C'était la soirée qui devait être difficile à passer. Aurait-elle le courage, se trouvant seule avec Alfred, de résister à la tristesse qu'elle lisait dans ses yeux, de souffrir qu'un soupçon trop naturel vint affaiblir ou même détruire son amour? Le soir venu, Alfred conduisit sa femme à la redoute et n'en revint pas. Il y avait ce jour-là bal masqué, grand bruit, grande foule. Les rues d'Aix étaient encombrées de voitures appartenant à des curieux venus de Chambéry et même de Genève. Tout cet éclat de la joie publique redoublait la sombre mélancolie de Mina. Elle ne put rester dans ce salon où, depuis plusieurs heures, elle attendait inutilement cet homme trop aimable qui ne venait pas. Elle alla se réfugier auprès de sa dame de compagnie. Là aussi elle trouva du malheur. Cette femme lui demanda froidement la permission de la quitter, ajoutant que, quoique fort pauvre, elle ne pouvait se décider à jouer plus longtemps le rôle peu honorable dans lequel on l'avait placée. Loin d'avoir un caractère propre aux décisions prudentes, dans les situations extrêmes, Mina n'avait besoin que d'un mot pour se représenter sous un nouvel aspect toute une situation de la vie. « En effet, se dit-elle, frappée de l'observation de la dame de compagnie, mon déguisement n'en est plus un pour personne, j'ai perdu l'honneur. Sans doute je passe pour une aventurière. Puisque j'ai tout perdu pour Alfred, ajouta-t-elle bientôt, je suis folle de me priver du bonheur de le voir. Du moins au bal, je pourrais le regarder à mon aise et étudier son âme. » Elle demanda des masques, des dominos. Elle avait apporté de Paris des diamants qu'elle prit soit pour mieux se déguiser aux yeux d'Alfred, soit pour se distinguer de la foule des masques et obtenir peut-être qu'il lui parlât. Mina parut à la redoute, donnant le bras à sa dame de compagnie et intriguant tout le monde par son silence. Enfin, elle vit Alfred, qui lui sembla fort triste. Mina le suivait des yeux et était heureuse lorsqu'une voix dit bien bas « L'amour reconnaît le déguisement de Mademoiselle de Varnhel. » Elle tressaillit, elle se retourna, c'était le comte de Rupert. Elle ne pouvait pas faire de rencontre plus fatale. « J'ai reconnu vos diamants montés à Berlin, » lui dit-il. « Je viens de Töplitz, de Spa, de Baden. J'ai couru toutes les eaux de l'Europe pour vous trouver. »« Si vous ajoutez un mot, » lui dit Mina, « je ne vous revois de la vie. Demain, à la nuit, à 7 heures du soir, trouvez-vous vis-à-vis la maison du 17 rue de Chambéry. » Comment empêcher M. de Rupert de dire mon secret au Larçay qu'il connaît intimement? Tel fut le grand problème qui, toute la nuit, plongea Mina dans la plus pénible agitation. Plusieurs fois, dans son désespoir, elle fut sur le point de demander des chevaux et de partir sur le champ. Mais Alfred croira toute sa vie que cet Anniken qu'il a tant aimé ne fut qu'une personne peu estimable, fuyant sous un déguisement les conséquences de quelques mauvaises actions. Bien plus, si je prends la fuite sans avertir M. de Rupert, malgré son respect pour ma fortune, il est capable de divulguer mon secret. Mais en restant, comment éloigner les soupçons de M. de Rupert? Par quelle fable? Au même bal masqué où Mina fit une rencontre si fâcheuse, tous ces hommes du grand monde, sans esprit, qui vont aux eaux promener leur ennui, entourèrent Madame de Larçay comme à l'ordinaire. Ne sachant trop que lui dire ce soir-là, parce que les lieux communs qui conviennent à un salon ne sont plus de mise au bal masqué, ils lui parlèrent de la beauté de sa femme de chambre allemande. Il se trouva même parmi eux un sot plus hardi qui se permit quelques allusions peu délicates à la jalousie que l'on supposait à Madame de Larçay. Un masque tout à fait grossier l'engagea à se venger de son mari en prenant un amant. Ce mot fit explosion dans la tête d'une femme fort sage et accoutumée à l'auréole de flatterie dont une haute position et une grande fortune entourent la vie. Le lendemain du bal, il y eut une promenade sur le lac. Mina fut libre et put se rendre chez Madame Cramer, où elle reçut M. de Rupert. Il n'était pas encore remis de son étonnement. de grands malheurs qui ont changé ma position, lui dit Mina, m'ont porté à rendre justice à votre amour. Vous convient-il d'épouser une veuve ? Vous auriez été marié secrètement, dit le comte, pâlissant. Comment ne l'avez-vous pas deviné ? Répondit Mina. Lorsque vous m'avez vu, vous refusez, vous et les plus grands partis de France. Caractère singulier, mais admirable, s'écria le comte, cherchant à faire oublier son étonnement. Je suis liée à un homme indigne de moi, reprit mademoiselle de Wangel. Mais je suis protestante, et ma religion, que je serais heureuse de vous voir suivre, me permet le divorce. Ne croyez pas cependant que je puisse, dans ce moment, éprouver de l'amour pour personne, même quand il s'agirait de l'homme qui m'inspirait le plus d'estime et de confiance. Je ne puis vous offrir que de l'amitié. J'aime le séjour de la France. Comment l'oublier quand on l'a connu ? J'ai besoin d'un protecteur. Vous avez un grand nom, beaucoup d'esprit, tout ce qui donne une belle position dans le monde. Une grande fortune peut faire de votre hôtel la première maison de Paris. Voulez-vous m'obéir comme un enfant ? À ce prix, mais seulement à ce prix, je vous offre ma main dans un an. Pendant ce long discours, le comte de Rupert calculait les effets d'un roman désagréable à soutenir, mais toujours avec une grande fortune et au fond avec une femme réellement bonne. Ce fut avec beaucoup de grâce qu'il jura obéissance à Mina. Il essaya de toutes les formes pour pénétrer plus avant dans ses secrets. « Rien de plus inutile que vos efforts, lui répondait-on en riant. Aurez-vous le courage d'un lion et la docilité d'un enfant ? Je suis votre esclave, répondit le comte. Je vis caché dans les environs d'Aix, mais je sais tout ce qui s'y fait. Dans 8 ou 9 jours, regardez le lac au moment où minuit sonnera à l'horloge de la paroisse. Vous verrez un pot-à-feu voguer sur les ondes. Le lendemain, à 9 heures du soir, je serai ici et je vous permets d'y venir. Prononcez mon nom, dites un mot à qui que ce soit, et de votre vie, vous ne me revoyez. » Après la promenade sur le lac, pendant laquelle et plus d'une fois il avait été question de la beauté d'Anniken, Madame de Larçay rentra chez elle dans un état d'irritation tout à fait étranger à son caractère, plein de dignité et de mesure. Elle débuta avec Mina par quelques mots fort durs, qui percèrent le cœur de Mina, car ils étaient prononcés en présence d'Alfred, qui ne la défendait pas. Elle répondit, pour la première fois, d'une façon fine et piquante. Madame de Larçay crut voir dans ce ton l'assurance d'une fille que l'amour qu'elle inspire porte à se méconnaître. Sa colère ne connut plus de bornes. Elle accusa Mina de donner des rendez-vous à certaines personnes de chez Madame Cramer, qui, malgré le compte de la brouille apparente, n'était que trop d'accord avec elle. Ce monstre de Rupert m'aurait-il déjà trahi ? Se dit Mina. Alfred la regardait fixement, comme pour découvrir la vérité. Le peu de délicatesse de ce regard lui donna le courage du désespoir. Elle nia froidement la calomnie dont on la chargeait et n'ajouta pas un mot. Madame de Larçay la chassa. À 2 heures du matin qu'il était alors, Mina se fit accompagner chez Madame Cramer par le fidèle Dubois. Enfermée dans sa chambre, Mina versait des larmes de rage en songeant au peu de moyens de vengeance que lui laissait l'étrange position où elle s'était jetée. « Ah, ne vaudrait-il pas mieux, se dit-elle, tout abandonner et retourner à Paris ? Ce que j'ai entrepris est au-dessus de mon esprit. Mais Alfred n'aura d'autre souvenir de moi que le mépris. Toute sa vie, Alfred me méprisera, » ajouta-t-elle en fondant en larmes. Elle sentit qu'avec cette idée cruelle qui ne la quitterait plus, elle serait encore plus malheureuse à Paris qu'à Aix. « Madame de Larçay me calomnie. Dieu sait ce qu'on dit de moi à la redoute. » Ces propos de tout le monde me perdront dans l'âme d'Alfred. Comment s'y prendrait un Français pour ne pas penser comme tout le monde ? Il a bien pu les entendre prononcer, moi présente, sans les contredire, sans m'adresser un mot pour me consoler. Mais quoi ? Est-ce que je l'aime encore ? Les affreux mouvements qui me torturent ne sont-ils pas les derniers efforts de ce malheureux amour ? Il est bas de ne pas se venger. Telle fut la dernière pensée de Mina. Dès qu'il fut jour, elle fit appeler Monsieur de Rupert. En l'attendant, elle se promenait, agitée dans le jardin. Peu à peu, un beau soleil d'été se leva et vint éclairer les riantes collines des environs du lac. Cette joie de la nature redoubla la rage de Mina. Monsieur de Rupert parut enfin. « C'est un fat, » se dit Mina, en le voyant approcher. « Il faut d'abord le laisser parler pendant 1 heure. » Elle reçut Monsieur de Rupert dans le salon, et son œil morne comptait les minutes de la pendule. Le comte était ravi. Pour la première fois, cette petite étrangère l'écoutait avec l'attention due à son amabilité. « Croyez-vous du moins à mes sentiments ?» disait-il à Mina, comme l'aiguille arrivait sur la minute qui achevait l'heure de patience. « Vengez-moi, je crois tout, » dit-elle. « Que faut-il faire ?» Plaire à Madame de Larçay et faire que son mari sache bien qu'elle le trompe, qu'il ne puisse en douter. Alors il lui rendra le malheur dont les calomnies de cette femme empoisonnent ma vie. « Votre petit projet est atroce, » dit le comte. « Dites qu'il est difficile à exécuter, » répondit Mina avec le sourire de l'ironie. « Pour difficile, non, » reprit le comte piqué. « Je perdrai cette femme, » ajouta-t-il d'un air léger. « C'est dommage, c'était une bonne femme. Prenez garde, monsieur, que je ne vous oblige nullement à plaire réellement à Madame de Larçay, » dit Mina. « Je désire seulement que son mari ne puisse douter que vous lui plaisez. » Le comte sortit. Mina fut moins malheureuse. Se venger, c'est agir. Agir, c'est espérer. « Si Alfred meurt, se dit-elle, je mourrai. » Et elle sourit. Le bonheur qu'elle ressentit en ce moment la sépara pour toujours de la vertu. L'épreuve de cette nuit avait été trop forte pour son caractère. Elle n'était point préparée à se voir calomnier en présence d'Alfred et à le voir ajouter foi à la calomnie. Désormais, elle pourra prononcer encore le mot de vertu, mais elle se fera illusion. La vengeance et l'amour se sont emparés de tout son cœur. Mina forma dans son esprit tout le projet de sa vengeance. Était-il exécutable? Ce fut le seul doute qui se présenta à elle. Elle n'avait d'autre moyen d'action que le dévouement d'un sceau et beaucoup d'argent. Monsieur de Larçay parut. « Que venez-vous faire ici ? » dit Mina avec hauteur. « Je suis fort malheureux. Je viens pleurer avec la meilleure amie que j'ai au monde. Quoi ? Votre première parole n'est point que vous ne croyez pas à la calomnie dirigée contre moi ? Sortez !»« C'est répondre à de fausses imputations, » reprit Alfred avec hauteur. « Que de vous dire, comme je le fais, que je ne conçois pas de bonheur pour moi loin de vous ? Anniken, ne vous fâchez point, » ajouta-t-il la larme à l'œil. « Trouvez un moyen raisonnable pour nous réunir, et je suis prêt à tout faire. Disposez de moi, tirez-moi de l'abîme où le hasard m'a plongé. Pour moi, je n'en vois aucun moyen. » « Votre présence ici rend vrai toutes les calomnies de Madame de Larçay. Laissez-moi, et que je ne vous revoie plus. » Alfred s'éloigna avec plus de colère que de douleur. « Il ne trouve rien à me dire, » se dit Mina. Elle fut au désespoir. Elle était presque obligée de mépriser l'homme qu'elle adorait. Quoi ? Il ne trouvait aucun moyen de se rapprocher d'elle, et c'était un homme, un militaire. Elle, jeune fille, avait trouvé, dès qu'elle l'avait aimé, un moyen et un moyen terrible, le déguisement qui la déshonorait à jamais, s'il était deviné. Mais Alfred avait dit « Disposez de moi, trouvez un moyen raisonnable. » Il fallait qu'il eût encore un peu de remords dans l'âme de Mina, car ses mots la consolèrent. Elle avait donc pouvoir pour agir. Cependant, reprenait l'avocat du malheur, Alfred n'a point dit « Je ne crois pas à la calomnie. » « En effet, se disait-elle, ma folie a beau s'exagérer la différence des manières entre l'Allemagne et la France, je n'ai point l'air d'une femme de chambre. En ce cas, pourquoi une fille de mon âge vient-elle déguisée dans une ville d'eau ? Tel qu'il est, je ne puis plus être heureuse qu'avec lui. » « Trouvez un moyen de nous réunir, a-t-il dit. Je suis prêt à tout faire. Il est faible et me charge du soin de notre bonheur. Je prends cette charge, » se dit-elle en se levant et en se promenant agitée dans le salon. « Voyons d'abord si sa passion peut résister à l'absence, ou si c'est un homme à mépriser de tout point, un véritable enfant de l'ironie. Alors Mina de Wangel parviendra à l'oublier. » Une heure après, elle partit pour Chambéry, qui n'est qu'à quelques lieues d'Aix. Alfred, sans croire beaucoup à la religion, trouvait qu'il était de mauvais ton de n'en pas avoir. En arrivant à Chambéry, Madame Cramer engagea un jeune Genevois, qui étudiait pour être ministre protestant, à venir chaque soir expliquer la Bible à elle et à Anniken que désormais, par amitié et pour la dédommager de sa colère passée, elle appelait sa nièce. Madame Cramer logeait dans la meilleure auberge et rien n'était plus facile à éclairer que sa conduite. Se croyant malade, elle avait fait appeler les premiers médecins de Chambéry, qu'elle payait fort bien. Mina les consulta par occasion sur une maladie de la peau qui, quelquefois, lui enlevait ses belles couleurs pour lui donner le teint d'une carteronne. La dame de compagnie commença à être beaucoup moins scandalisée du nom de Kramer qu'on l'avait engagé à prendre et de toute la conduite de mademoiselle de Wangel. Elle la croyait tout simplement folle. Mina avait loué les Charmettes, maison de campagne, dans un vallon isolé un quart d'heure de Chambéry, où Jean-Jacques Rousseau raconte qu'il a passé les moments les plus heureux de sa vie. Les écrits de cet auteur faisaient sa seule consolation. Elle eut un jour un moment de bonheur délicieux, au détour d'un sentier, dans le petit bois de châtaignier, vis-à-vis la modeste maison des Charmettes, elle trouva Alfred. Elle ne l'avait pas vu depuis 15 jours. Il lui proposa, avec une timidité qui enchanta Mina, de quitter le service de Madame Kramer et d'accepter de lui une petite inscription de rente. « Vous auriez une femme de chambre, au lieu de l'être vous-même, et jamais je ne vous verrai qu'en présence de cette femme de chambre. » Anniken refusa par des motifs de religion. Elle lui dit que maintenant Madame Kramer était excellente pour elle et lui semblait se repentir de la conduite qu'elle avait tenue en arrivant à Aix. « Je me souviens fort bien, » finit-elle par lui dire, « des calomnies dont j'ai été l'objet de la part de Madame de Larçay. Elles me font un devoir de vous prier instamment de ne plus revenir aux Charmettes. » Quelques jours plus tard, elle alla à Aix. Elle fut fort contente de M. de Rupert. Madame de Larçay et ses nouvelles amies profitaient de la belle saison pour faire des excursions dans les environs. À une partie de plaisir que ces dames firent à Hautecombe, abbaye située de l'autre côté du lac du Bourget, en face d'Aix, et qui est le Saint-Denis des ducs de Savoie, M. de Rupert, qui d'après les instructions de Mina n'avait pas cherché à être de la société de Madame de Larçay, se fit remarquer errant dans les bois qui environnent Hautecombe. Les amis de Madame de Larçay s'occupèrent beaucoup de cet acte de timidité chez un homme connu par son audace. Il leur sembla clair qu'il avait conçu pour elle une grande passion. Dubois apprit à Mina que son maître vivait dans la plus sombre mélancolie. « Il regrette une aimable compagnie, » et ajouta Dubois, « il a un autre sujet de chagrin. Qui lui dit d'un homme si sage ? Monsieur de Rupert lui donne de la jalousie. » Cette jalousie amusait Monsieur de Rupert. « Voulez-vous me permettre, » dit-il à Mademoiselle de Wangel, « de faire intercepter par ce pauvre Larçay une lettre passionnée que j'écrirai à sa femme ?» Rien ne sera plaisant comme les dénégations de celle-ci s'il se détermine à lui en parler. « À la bonne heure, » dit Mina. « Mais surtout, » ajouta-t-elle d'un ton fort dur, « songez à ne pas avoir d'affaire avec M. de Larçay. S'il meurt, jamais je ne vous épouse. » Elle se repentit bien vite du ton sévère avec lequel elle avait dit ce mot et s'appliqua à se le faire pardonner. Elle s'aperçut que M. de Rupert n'avait pas senti la dureté du mot qui lui était échappé, et son éloignement pour lui en fut augmenté. M. de Rupert lui conta que peut-être Madame de Larçay n'eût pas été tout à fait insensible à ses soins, mais pour s'amuser lui-même, tout en lui faisant la cour la plus assidue, il avait grand soin, toutes les fois qu'il trouvait l'occasion de lui parler en particulier, de ne lui adresser que les mots les plus indifférents et les propos les plus décolorés. Mina fut contente de cette manière d'agir. Il était dans ce caractère, qui avait quelques apparences de la raison, en était l'antipode, de ne pas mépriser Admi. Elle consulta hardiment M. de Rupert sur un placement considérable qu'elle voulait faire dans la rente de France et lui fit lire les lettres de son homme d'affaires à Königsberg et de son banquier à Paris. Elle remarqua que la vue de ces lettres éloignait un mot qu'elle ne voulait pas entendre prononcer, son intérêt pour M. de Larçay. Quelle différence ! Se disait-elle pendant que M. de Rupert lui donnait de longs avis sur le placement d'argent. « Et il y a des gens, » ajoutait-elle, « qui trouvent que le comte a plus d'esprit et d'amabilité qu'Alfred. Ô nation de gens grossiers, ô nation de vaudevillistes, ô que la bonhomie grave de mes braves Allemands me plairait davantage, sans la triste nécessité de paraître à une cour et d'épouser l'aide-de-camp favori du roi. » Dubois vint lui dire qu'Alfred avait surpris une lettre singulière adressée à Madame de Larçay par le comte de Rupert. Alfred l'avait montrée à sa femme, qui avait prétendu que cette lettre n'était qu'une mauvaise plaisanterie. À ce récit, Mina ne fut plus maîtresse de son inquiétude. M. de Rupert pouvait jouer tous les rôles, excepté celui d'un homme trop patient. Elle lui proposa de venir passer 8 jours à Chambéry. Il marqua peu d'empressement. « Je fais des démarches assez ridicules. J'écris une lettre qui peut faire anecdote contre moi. Au moins ne faut-il pas que j'aie l'air de me cacher. » Et justement, il faut que vous vous cachiez, reprit Mina avec hauteur. Voulez-vous me venger, oui ou non? Je ne veux pas que Madame de Larçay me doive le bonheur d'être veuve. Vous aimeriez mieux, je parie, que son mari fût veuf. Et que vous importe? Repartit Mina. Elle eut une scène fort vive avec Monsieur de Rupert, qui la quitta furieux. Mais il réfléchit apparemment sur le peu de probabilité qu'on inventât la calomnie qu'il redoutait. Sa vanité lui rappela que sa bravoure était connue. Il pouvait réparer par une seule démarche toutes les folies de sa jeunesse et conquérir en un moment une position superbe dans la société de Paris. Cela valait mieux qu'un duel. La première personne que Mina revit au Charmettes le lendemain de son retour d'Aix, ce fut M. de Rupert. Sa présence la rendit heureuse, mais le soir même, elle fut vivement troublée. M. de Larçay vint la voir. Je ne chercherai ni excuse ni prétexte, lui dit-il avec simplicité. Je ne puis rester 15 jours sans vous voir, et hier il y a eu 15 jours que je ne vous ai vu. Mina aussi avait compté les jours. Jamais elle ne s'était sentie entraînée vers Alfred avec autant de charme. Mais elle tremblait qu'il n'eût une affaire avec M. de Rupert. Elle fit tout au monde pour obtenir de lui quelques confidences au sujet de la lettre interceptée. Elle le trouva préoccupé, mais il ne lui dit rien. Elle ne put obtenir autre chose que ceci. « J'éprouve un vif chagrin, lui dit-il enfin. Il ne s'agit ni d'ambition ni d'argent, et l'effet le plus clair de ma triste position est de redoubler l'amitié passionnée que j'ai pour vous. Ce qui me désespère, c'est que le devoir n'a aucun empire sur mon cœur. Décidément, je ne puis vivre sans vous. Moi, je ne vivrai jamais sans vous, lui dit-elle en prenant sa main qu'elle couvrit de baisers et l'empêchant de lui sauter au cou. Songez à ménager votre vie, car je ne vous survivrai pas d'une heure. Ah, vous savez tout, reprit Alfred, et il se fit violence pour ne pas continuer. Le lendemain de son retour à Aix, une seconde lettre anonyme apprit à M. de Larçay que pendant sa dernière course dans les montagnes, c'était le temps qu'il avait employé à aller à Chambéry, sa femme avait reçu chez elle M. de Rupert. La vie anonyme finissait ainsi. Ce soir, vers le minuit, on doit recevoir M. de R. Je sens trop que je ne puis vous inspirer aucune confiance. Ainsi, n'agissez point à la légère. Ne vous fâchez, si vous devez vous fâcher, qu'après avoir vu. Si je me trompe et si je vous trompe, vous en serez quitte pour une nuit passée dans quelque cachette auprès de la chambre de Madame de Larçay. Alfred fut fort troublé par cette lettre. Un instant après, il reçut un mot d'Anniken. « Nous arrivons à Aix. Madame Cramer vient de se retirer dans sa chambre. Je suis libre. Venez. » Monsieur de Larçay pensa qu'avant de se mettre en embuscade dans le jardin de la maison, il avait le temps de passer 10 minutes avec Anniken. Il arriva chez elle extrêmement troublé. Cette nuit, qui était déjà commencée, allait être aussi décisive pour Mina que pour lui. Mais elle était tranquille. À toutes les objections que lui faisait sa raison, elle avait la même réponse, la mort. « Vous vous taisez, lui dit Mina, mais il est clair qu'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Vous ne deviez pas me donner le chagrin de vous voir, mais puisque vous avez tant fait que de venir, je ne veux pas vous quitter de toute la soirée. » Contre l'attente de Mina, Alfred y consentit sans peine. Dans les circonstances décisives, une âme forte répand autour d'elle une sorte de magnanimité qui est le bonheur. « Je vais faire le saut métier de Marie, lui dit enfin Alfred. Je vais me cacher dans mon jardin. C'est, ce me semble, la façon la moins pénible de sortir du malheur où vient de me plonger une lettre anonyme. » Il la lui montra. « Quel droit avez-vous, lui dit Mina, de déshonorer Madame de Larçay? N'êtes-vous pas en état de divorce évident? Vous l'abandonnez et renoncez au droit de tenir son âme occupée. Vous la laissez barbarement à l'ennui naturel à une femme de 30 ans riche et sans le plus petit malheur. N'a-t-elle pas le droit d'avoir quelqu'un qui la désennuie? Et c'est vous qui me dites que vous m'aimez, vous, plus criminel qu'elle, car avant elle, vous avez outragé votre lien commun, et vous êtes fou, c'est vous qui voulez la condamner à un éternel ennui. » Cette façon de penser était trop haute pour Alfred, mais le ton de la voix de Mina lui donnait de la force. Il admirait le pouvoir qu'elle avait sur lui, il en était charmé. « Tant que vous daignerez m'admettre auprès de vous, lui dit-il enfin, je ne connaîtrai pas cet ennui dont vous parlez. » À minuit, tout était tranquille depuis longtemps sur les bords du lac. On eût distingué le pas d'un chat. Mina avait suivi Alfred derrière une de ces murailles de charmille encore en usage dans les jardins de Savoie. Tout à coup, un homme sauta d'un mur dans le jardin. Alfred voulut courir à lui. Mina le retint fortement. « Qu'apprendrez-vous si vous le tuez ?» lui dit-elle fort bas. « Et si ce n'était qu'un voleur ou l'amant d'une autre femme que la vôtre, quel regret de l'avoir tué ?» Alfred avait reconnu le comte. Il était transporté de colère. Mina eut beaucoup de peine à le retenir. Le comte prit une échelle cachée le long d'un mur, la dressa vivement contre une galerie en bois de 8 ou 10 pieds de haut qui régnait le long du premier étage de la maison. Une des fenêtres de la chambre de Madame de Larçay donnait sur cette galerie. Monsieur de Rupert entra dans l'appartement par une fenêtre du salon. Alfred courut à une petite porte du rez-de-chaussée qui donnait sur le jardin. Mina le suivit. Elle retarda de quelques instants le moment où il put saisir un briquet et allumer une bougie. Elle parvint à lui ôter ses pistolets. « Voulez-vous, lui dit-elle, réveiller par un coup de pistolet les baigneurs qui occupent les autres étages de cette maison ? Ce serait une plaisante anecdote pour demain matin. Même dans l'instant d'une vengeance ridicule à mes yeux, ne vaut-il pas mieux qu'un public méchant et désœuvré n'apprenne l'offense qu'en même temps que la vengeance ?» Alfred s'avança jusqu'à la porte de la chambre de sa femme. Mina le suivait toujours. « Il serait plaisant, lui dit-elle, qu'en ma présence vous eussiez le courage de maltraiter votre femme. » Parvenu à la porte, Alfred l'ouvrit vivement. Il vit M. de Rupert s'échapper en chemise de derrière le lit de Madame de Larçay qui était au fond de la pièce. M. de Rupert avait 6 pas d'avance. Il eut temps d'ouvrir la fenêtre et s'élança sur la galerie de bois et de la galerie dans le jardin. M. de Larçay le suivit rapidement, mais au moment où il arriva au mur à hauteur d'appui qui séparait le jardin du lac, la barque dans laquelle M. de Rupert s'échappait était déjà à 5 ou 6 toises du bord. « À demain, M. de Rupert !» lui cria M. de Larçay. On ne répondit pas. M. de Larçay remonta rapidement chez sa femme. Il trouva Mina agitée qui se promenait dans le salon qui précédait la chambre à coucher. Elle l'arrêta comme il passait. « Que prétendez-vous faire ? » lui dit-elle. « Assassiner Madame de Larçay ? De quel droit ? Je ne le souffrirai pas. Si vous ne me donnez pas votre poignard, j'élève la voix pour la prévenir de se sauver. Il est vrai que ma présence ici me comprenait d'une manière atroce aux yeux de vos gens. » Mina vit que ce mot faisait effet. « Quoi ? Vous m'aimez et vous voulez me déshonorer ? » ajouta-t-elle vivement. Monsieur de Larçay lui jeta son poignard et entra furieux dans la chambre de sa femme. La scène fut vive. Madame de Larçay, parfaitement innocente, avait cru qu'il s'agissait d'un voleur. Elle n'avait ni vu ni entendu Monsieur de Rupert. « Vous êtes un fou, » finit-elle par dire à son mari, « et plût à Dieu que vous ne fussiez qu'un fou. Vous voulez apparemment une séparation ? Vous l'aurez. Ayez du moins la sagesse de ne rien dire. Demain, je retourne à Paris. Je dirai que vous voyagez en Italie, où je n'ai pas voulu vous suivre. » « À quelle heure comptez-vous vous battre demain matin ?» dit Mademoiselle de Bangel quand elle revit Alfred. « Que dites-vous ? » répondit M. de Larçay. « Qu'il est inutile de feindre avec moi. Je désire qu'avant d'aller chercher M. de Rupert, vous me donniez la main pour monter dans un bateau. Je veux me promener sur le lac. Si vous êtes assez sot pour vous laisser tuer, l'eau du lac terminera mes malheurs. »« Eh bien, cher Anniken, rendez-moi heureux ce soir. » « Demain, peut-être, ce cœur qui, depuis que je vous connais, n'a battu que pour vous, cette main charmante que je presse contre mon sein, appartiendront à des cadavres éclairés par un cierge et gardés dans le coin d'une église par 2 prêtres savoyards. Cette belle journée est le moment suprême de notre vie, qu'elle en soit le plus heureux. » Mina eut beaucoup de peine à résister au transport d'Alfred. « Je serai à vous, lui dit-elle enfin, mais si vous vivez, « dans ce moment-ci, le sacrifice serait trop grand. J'aime mieux vous voir comme vous êtes. » Cette journée fut la plus belle de la vie de Mina. Probablement, la perspective de la mort et la générosité du sacrifice qu'elle faisait anéantissaient les derniers mouvements de remords. Le lendemain, longtemps avant le lever du soleil, Alfred vint lui donner la main et la fit monter dans un joli bateau de promenade. « Pourriez-vous rêver un bonheur plus grand que celui dont nous jouissons ? Disait-elle à Alfred en descendant vers le lac. De ce moment, vous m'appartenez, vous êtes ma femme, dit Alfred, et je vous promets de vivre et de venir sur le rivage appelé le bateau là-bas, auprès de cette croix. 6 heures sonnèrent au moment où Mina allait lui dire qui elle était. Elle ne voulut pas s'éloigner de la côte et les bateliers se mirent à pêcher, ce qui la délivra de leur regard et lui fit plaisir. Comme 8 heures sonnaient, elle vit Alfred accourir au rivage. Il était fort pâle. Mina se fit descendre. « Il est blessé, peut-être dangereusement, » lui dit Alfred. « Prenez ce bateau, mon ami, » lui dit Mina. « Cet accident vous met à la merci des autorités du pays. Disparaissez pour 2 jours. Allez à Lyon, je vous tiendrai au courant de ce qui arrivera. » Alfred hésitait. « Songez au propos des baigneurs. » Ce mot décida M. de Larçay, il s'embarqua. Le jour suivant, M. de Rupert fut hors de danger, mais il pouvait être retenu au lit 1 mois ou 2. Mina le vit dans la nuit, et ce fut pour lui parfaite de grâce et d'amitié. « N'êtes-vous pas mon promis ?» lui dit-elle avec une fausseté pleine de naturel. Elle le détermina à accepter une délégation très considérable sur son banquier de Francfort. « Il faut que je parte pour Lausanne, » lui dit Mina. « Avant notre mariage, je veux vous voir acheter le magnifique hôtel de votre famille que vos folies vous ont obligé de vendre. Pour cela, il faut aliéner une grande terre que je possède près de Custrin. Dès que vous pourrez marcher, allez vendre cette terre. Je vous enverrai la procuration nécessaire de Lausanne. Consentez un rabais sur le prix de cette terre s'il le faut, ou escomptez les lettres de change que vous obtiendrez. Enfin, ayez de l'argent comptant à tout prix. Si je vous épouse, il est convenable que vous paraissiez au contrat de mariage aussi riche que moi. » Le comte n'eut pas le moindre soupçon que Mina le traitait comme un agent subalterne que l'on récompense avec de l'argent. À Lausanne, Mina avait le bonheur de recevoir par tous les courriers des lettres d'Alfred. M. de Larçay commençait à comprendre combien son duel simplifiait sa position à l'égard de Mina et de sa femme. « Elle n'est pas coupable envers nous, » lui disait Mina. « Vous l'avez abandonnée le premier, et au milieu d'une foule d'hommes aimables, peut-être s'est-elle trompée en choisissant M. de Rupert. Mais le bonheur de Mme de Larçay ne doit pas être diminué du côté de l'argent. » Alfred lui laissa une pension de 50 000 francs. C'était plus de la moitié de son revenu. « De quoi aurais-je besoin ? » écrivait-il à Mina. « Je compte ne reparaître à Paris que dans quelques années, quand cette ridicule aventure sera oubliée. »« C'est ce que je ne veux pas, » lui répondit Mina. « Vous feriez événement à votre retour. Allez vous montrer pendant 15 jours à l'opinion publique, tandis qu'elle s'occupe de vous. Songez que votre femme n'a aucun tort. » 1 mois après, M. de Larçay rejoignit Mina au charmant village de Belgirate, sur le lac Majeur, à quelques milles des îles Borromée. Elle voyageait sous un faux nom. Elle était si amoureuse qu'elle dit à Alfred « Dites, si vous le voulez, à Madame Kramer, que vous êtes fiancée avec moi, que vous êtes mon promis, comme nous disons en Allemagne. Je vous recevrai toujours avec bonheur, mais jamais hors la présence de Madame Kramer. » Monsieur de Larçay crut que quelque chose manquait à son bonheur. Mais dans la vie d'aucun homme on ne saurait trouver une époque aussi heureuse que le mois de septembre qu'il passa avec Mina sur le lac Majeur. Mina l'avait trouvé si sage que peu à peu elle avait perdu l'habitude d'emmener Madame Kramer dans leur promenade. Un jour, en voguant sur le lac, Alfred lui disait en riant « Qui êtes-vous donc, enchanteresse, pour femme de chambre, ou même mieux, de Madame Kramer? Il n'est pas moyen que je croie cela. » « Eh bien, voyons, » répondit Mina, « que voulez-vous que je sois? Une actrice qui a gagné un gros lot à la loterie et qui a voulu passer quelques années de jeunesse dans un monde de féerie, ou peut-être une demoiselle entretenue qui, après la mort de son amant, a voulu changer de caractère? Vous seriez cela, et pire encore, que si demain j'apprenais la mort de Madame de Larçay, après-demain je vous demanderais en mariage. » Mina lui sauta au cou. « Je suis Mina de Wangel, que vous avez vue chez Madame de Célie. Comment ne m'avez-vous pas reconnue? Ah, c'est que l'amour est aveugle ? » ajouta-t-elle en riant. Quelque bonheur que goûta Alfred à pouvoir estimer Mina, celui de Mina fut plus intime encore. Il manquait à son bonheur de pouvoir ne rien cacher à son ami, dès qu'on aime celui qui trompe est malheureux. Cependant, Mademoiselle de Wangel eut bien fait de ne pas dire son nom à M. de Larçay. Au bout de quelques mois, Mina remarqua un fond de mélancolie chez Alfred. Ils étaient venus passer l'hiver à Naples avec un passeport qui les nommait mari et femme. Mina ne lui déguisait aucune de ses pensées. Le génie de Mina faisait peur au sien. Elle se figura qu'il regrettait Paris. Elle le conjura à genoux d'y aller passer 1 mois. il jura qu'il ne le désirait pas. Sa mélancolie continuait. « Je mets à un grand hasard le bonheur de ma vie, » lui dit un jour Mina. « Mais la mélancolie où je vous vois est plus forte que mes résolutions. » Alfred ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire, mais rien n'égala son ivresse quand, après-midi, Mina lui dit « Menez-moi à Torre del Greco. » Elle crut avoir deviné la cause du fond de tristesse qu'elle avait remarqué chez Alfred, depuis qu'elle était tout à lui, car il était parfaitement heureux. Folle de bonheur et d'amour, Mina oublia toutes ses idées. « La mort et mille morts arriveraient demain, » se disait-elle, « que ce n'est pas trop pour acheter ce qui m'arrive depuis le jour où Alfred s'est battu. » Elle trouvait un bonheur délicieux à faire tout ce que désirait Alfred. Exaltée par ce bonheur, elle n'eut pas la prudence de jeter un voile sur les fortes pensées qui faisaient l'essence de son caractère. Sa manière de chercher le bonheur, non seulement devait paraître singulière à une âme vulgaire, mais encore la choquer. Elle avait eu soin jusque-là de ménager dans M. de Larçay ce qu'elle appelait les préjugés français. Elle avait besoin de s'expliquer par la différence de nation ce qu'elle était obligée de ne pas admirer en lui. Ici, Mina sentait le désavantage de l'éducation forte que lui avait donnée son père. Cette éducation pouvait facilement la rendre odieuse. Dans son ravissement, elle avait l'imprudence de penser tout haut avec Alfred. Heureux qui arrivait à cette période de l'amour fait pitié à ce qu'il aime et non pas envie. Elle était tellement folle, son amant était tellement à ses yeux le type de tout ce qu'il y avait de noble, de beau, d'aimable et d'adorable au monde, que quand elle l'aurait voulu, elle n'aurait pas eu le courage de lui dérober aucune de ses pensées. Lui cacher la funeste intrigue qui avait amené les événements de la nuit d'Aix était déjà depuis longtemps pour elle un effort presque au-dessus de ses facultés. Du moment où l'ivresse des sens ôta à Mina la force de n'être pas d'une franchise complète envers M. de Larçay, ses rares qualités se tournèrent contre elle. Mina le plaisantait sur ce fond de tristesse qu'elle observait chez lui. L'amour qui lui inspirait se porta bientôt au dernier degré de folie. « Que je suis folle de m'inquiéter, » se dit-elle enfin. « C'est que j'aime plus que lui, folle que je suis, de me tourmenter d'une chose qui se rencontre toujours dans le plus vif des bonheurs qu'il y ait sur la terre. J'ai d'ailleurs le malheur d'avoir le caractère plus inquiet que lui. Et enfin, Dieu est juste, » ajouta-t-elle en soupirant, car le remords venait souvent troubler son bonheur depuis qu'il était extrême. « J'ai une grande faute à me reprocher. La nuit d'Aix pèse sur ma vie. » Mina s'accoutuma à l'idée qu'Alfred était destiné par sa nature à aimer moins passionnément qu'elle. « Fût-il moins tendre encore, » se disait-elle, « mon sort est de l'adorer. Je suis bien heureuse qu'il n'ait pas de vices infâmes. Je sens trop que les crimes ne me coûteraient rien s'il voulait m'y entraîner. » Un jour, quelle que fut l'illusion de Mina, elle fut frappée de la sombre inquiétude qui rongeait Alfred. Depuis longtemps, il avait adopté l'idée de laisser à Madame de Larçay le revenu de tous ses biens, de se faire protestant et d'épouser Mina. Ce jour-là, le prince de Hesse donnait une fête qui mettait tout Naples en mouvement et à laquelle, naturellement, il n'était pas invité. Mina se figura que son amant regrettait les jouissances et l'éclat d'une grande fortune. Elle le pressa vivement de partir au premier jour pour Königsberg. Alfred baissait les yeux et ne répondait pas. Enfin, il les leva vivement, et son regard exprimait le soupçon le plus pénible, mais non l'amour. Mina fut atterrée. « Dites-moi une chose, Mina. La nuit où je surpris M. de Rupert chez ma femme, aviez-vous connaissance des projets du comte? En un mot, étiez-vous d'accord avec lui? Oui. » répondit Mina avec fermeté. « Madame de Larçay n'a jamais songé au comte. J'ai cru que vous m'apparteniez parce que je vous aimais. Les deux lettres anonymes sont de moi. »« Ce trait est infâme, » reprit Alfred froidement. « L'illusion cesse. Je vais rejoindre ma femme. Je vous plains et ne vous aime plus. » Il y avait de l'amour-propre piqué dans le ton de sa voix. Il sortit. « Voilà à quoi les grandes âmes sont exposées. « Mais elles ont leurs ressources, » se dit Mina en se mettant à la fenêtre et suivant des yeux son amant jusqu'au bout de la rue. Quand il eut disparu, elle alla dans la chambre d'Alfred et se tua d'un coup de pistolet dans le cœur. Sa vie fut-elle un faux calcul? Son bonheur avait duré 8 mois. C'était une âme trop ardente pour se contenir du réel de la vie. Ainsi s'achève Mina de Wangel de Stendhal.